et chacun aura été dirigé dans sa demeure et sa destination. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Un groupe dans le paradis al-jannah et un groupe dans l'enfer al-sa'ir. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Et ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Et soudainement, ayyuha al-ikhwatul kiram, et tout d'un coup, tout le monde entendront alors deux voix étonnantes et étranges. Une belle et une agréable voix. Et une voix faisant peur et une voix effrayante. Telle est la voix du paradis al-jannah et la voix de l'enfer al-nar. Car le paradis et l'enfer al-jannah ou al-nar parleront et débattront. Comme il a été cité dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, al-jannah ou al-nar, le paradis et l'enfer ont débattu. Le feu al-nar dit alors, je détiens les tyrans et les orgueilleux. Et le paradis al-jannah lui répondit alors, pourquoi ne rentrent chez moi que les pauvres parmi les gens et les bas de la société? Allah tabaraka wa ta'ala parlera et s'adressera alors au paradis al-jannah et lui dira, tu es certes ma miséricorde, et j'accorde ma miséricorde par toi à qui je veux parmi mes serviteurs. Puis Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera au feu an-nar et lui dira, tu es certes mon châtiment, et je châtie par toi qui je veux parmi mes serviteurs. Et chacun de vous aura son emplissage. Quant au feu an-nar, nous dit sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam nous le dit à la suite de cela, quant au feu an-nar, il ne se remplira pas jusqu'à ce qu'Allah jalla wa ala y place son pied tabaraka wa ta'ala. Et l'enfer dira alors, qat, qat, stop, stop. Et à ce moment-là, l'enfer se remplira et il se refermera sur lui-même. Wala yadlimu rabbuka ahada. Et ton Seigneur est injuste envers aucune de ses créatures. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quant au paradis al-jannah, Allah jalla wa ala criera à l'intérieur des créatures. Et le hadith est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim, dans les livres les plus authentiques après le livre d'Allah Azza wa Jal, ainsi le paradis et l'enfer et l'ikhwa, al-jannat ou al-nar auront certes discuté et débattu. Ils se seront disputés, le feu al-nar dira alors, je détiens les tyrans et les orgueilleux, ceux qui se seront enflés d'orgueil, ceux qui se seront enorgueillis dans ce monde ad-dunya. Et le paradis al-jannat répliqua alors, pourquoi ne rentre chez moi que les pauvres al-masakin et les bas de la société? Et alors Allah Jalla wa Ala parlera à tous, parlera au paradis al-jannah, et parlera à l'enfer al-nar. Il dira au paradis, tu es ma miséricorde, rahmati, et je donne miséricorde à toi, par toi, à qui je veux parmi mes serviteurs. Et il dira au feu al-nar, tu es mon châtiment, adabi, et je châtie par toi qui je veux parmi mes serviteurs. Et chacun de vous aura son emplissage. Quant au feu al-nar, comme nous l'avions dit, il ne se remplira pas jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala place son pied, tabaraka wa ta'ala, sans imagination, ni contestation, ni falsification, ni interprétation de cette information. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ainsi notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, nous a informé qu'il a un pied, jalla wa ala, et ce noble pied ne ressemble pas au pied des créatures. Car le Créateur n'est pas semblable et comparable aux créatures. Tout ce qui te passe dans ton esprit, tout ce qui te passe dans ta raison et qui entre dans ton imagination, Allah est différent et contraire à cela. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami'u al-basir. Et Allah nous dit également, la tudrikuhu al-absar. Les regards ne peuvent l'atteindre, c'est-à-dire dans ce monde ad-dunya. Wa huwa yudriku al-absar. Alors que lui, il saisit tous les regards. Wa huwa al-latif al-khabir. Et c'est lui le doux et le parfaitement connaisseur. Ainsi Allah Jalla wa Ala placera son pied an-nar dans le feu. Et alors l'enfer dira, qat, qat, stop, stop. Et à ce moment-là, l'enfer se remplira et se refermera sur lui-même. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Quant au paradis al-jannah, il lui restera de la place. Car sa largeur, arduha, ka ardi as-sama'i wal-ard. Sa largeur est telle la largeur du ciel et de la terre. Sa largeur du paradis et l'étendue du paradis al-jannah ayyuha al-ikhwa est-elle la largeur des cieux et de la terre? Mais Allah Jalla wa Ala, comme nous le dit sallallahu alayhi wa sallam, créera à l'intérieur du paradis des créatures. Il les fera alors entrer au paradis sans avoir œuvré. C'est-à-dire ces créatures n'auront pas œuvré, ni effectué d'efforts, ni avoir avancé de bien al-khayr. Mais il les fera entrer au paradis par sa grâce et par sa miséricorde et par sa faveur. Ainsi, il les fera entrer au paradis sans jugement, ni punition, ni avancement de preuves, ni quelque chose d'autre. Et après cela, quelqu'un de la part d'Allah et Azza wa Jal interpellera et s'écriera et appellera tout le monde. Un appel sera lancé vers les gens du paradis et vers les gens de l'enfer, « Ahlul jannati wa ahlul nar » afin qu'arrive un événement étonnant et afin que se passe quelque chose d'étonnant et d'étrange. Al-Imam Muslim nous rapporte dans son recueil authentique selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: on viendra avec la mort et le maut, le jour de la résurrection, yaoum al-qiyamah, à l'apparence et à la forme d'un bélier de forte blancheur. Et on le placera entre le paradis et l'enfer, bayn al-jannati wa an-nar. Puis on s'écriera et on appellera les gens du paradis, ahl al-jannah. Et on leur dira, ya ahl al-jannah, connaissez-vous celui-ci? Et alors ils se redresseront. Et ils regarderont, et ils diront, Naram, oui, innahu al-maut, c'est certes la mort. Et on s'écriera, et on appellera, et on interpellera alors les gens du feu, ahlun nar. Et on leur dira, ya ahlun nar, oh vous les gens du feu, connaissez-vous celui-ci? Et alors ils se dresseront, et ils regarderont, et ils diront, Naram, oui, innahu al-maut, telle est la mort. Puis on appellera tout le monde, et on leur dira, ya ahlul jannah, خلود بلا موت ولا ويا أهل النار خلود بلا موت. Ô vous les gens du paradis, à vous l'éternité sans mort. Et vous, ô vous les gens de l'enfer, à vous l'éternité sans mort. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: وأنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Et avertis-les le jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce bas monde inattentif et qu'ils ne croient pas. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wa salam fit signe avec sa main en montrant ce bas monde ad-dunya, car les gens de ce bas monde ad-dunya sont plongés dans la distraction de ce bas monde. C'est comme cela, ya Abdallah. C'est comme cela que la capacité de toutes choses, l'omnipotence d'Allah et Azza wa Jal, celle qui dépasse toutes les raisons, celle qui surpasse tous les esprits, celle qui aura dépassé toutes les imaginations, aura voulu qu'Allah Jalla wa Ala transforme et métamorphose cette mort et le maut en l'apparence et à la forme d'un bélier de forte blancheur. Cette mort, ayol ikhwa, sera alors placée entre le paradis et l'enfer. Et dans la version d'Al-Imam Ibn Majah, une version authentique comme nous le dit Sheikh Al-Albani selon Abi Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: on viendra yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, avec la mort et le maut. Elle sera placée sur le pont As-Sirat. Puis on appellera les gens du paradis. Ils regarderont alors. Ils regarderont, ayant peur de sortir de là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans le paradis Al-Jannah. Et alors on appellera les gens du feu Ahl al-Nar. Et ils regarderont, heureux et contents, espérant et désirant sortir de là où ils se trouvent, c'est-à-dire en enfer. Et alors on appellera tout le monde et on leur dira, connaissez-vous celle-ci? Tout le monde dira, Naram, c'est la mort. Naram, innahu al-maut, c'est la mort. Allah Jalla wa Ala donnera alors l'ordre d'égorger la mort qui se trouve sous la forme d'un bélier de forte blancheur sur le pont As-Sirat. Et alors on leur dira, soyez éternellement là où vous vous trouvez. Soyez éternellement là où vous êtes. Et alors ils n'en sortiront jamais, ayol ikhwa. Les gens du paradis ne sortiront jamais du paradis Al-Jannah. Quant aux gens du feu Ahlun Nar, ces habitants parmi les associateurs Al-Mushrikin et parmi les mécréants Al-Kuffar, ils n'en sortiront jamais. Ainsi, ayo al-ikhwatul kiram, la yadlimu rabbuka ahada. Allah n'est injuste envers personne. Fa subhana man khalaqa al-khalq wa dabbara al-amr. Subhana man ahsana al-khalqa wa ahsahum adada. Subhana man lam yattakhid sahibatan wala walada. Subhana man ibtalah ibada. Wa man khalaqa al-mawta wal-haya. وليبلوهم أيهم أحسن عملا سبحان الذي لم يجدهم سدى ولم يخلقهم أملا. نعم ولم يخلقهم لهوا ولا لعبا. Gloire donc à celui qui créa la création, gloire donc à celui qui aura donné l'ordre, gloire donc à celui qui aura créé la création et aura dénombré ses créatures, gloire donc à celui qui ne s'est donné ni compagne ni enfant, gloire donc à celui qui aura éprouvé ses serviteurs et qui aura créé la mort et la vie afin de les éprouver et de savoir qui ne sera meilleur en œuvre. Il ne les a créés et il ne les a amenés dans cette vie ni par plaisir, ni par jeu, ni par divertissement, et il ne les négligea pas. Gloire à celui qui créa la création et donna l'ordre. Gloire à celui qui aura décrété et qui aura jugé et qui fut certes juste. Et ainsi Allah Jalla wa Ala nous dit: wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute équité. Et Allah nous dit également: wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha. Qui est-ce qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qui est-ce qui est plus véridique qu'Allah en discours et en déclaration? Ainsi Allah Jalla wa Ala a promis à ses serviteurs croyants, ibadahu al-mu'minun, jannatun na'im, le jardin des délices. Et il leur aura ainsi octroyé et attribué ce qu'il leur aura promis. Wa'adallah, la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Telle est la promesse d'Allah. Et Allah ne manque pas à sa promesse. Allah tabaraka wa ta'ala aura également averti ses serviteurs mécréants, ibadahu al-kafiroun, qu'ils auront certes l'enfer, naru jahannam, wa bi'sa al-qarar, et quelle mauvaise destination, comme nous le dit Allah al-Aziz al-Jabbar, an-nar wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sa al-masir. Le feu, Allah l'a promis à ceux qui lui auront mécru, et quel triste devenir. Alors, et wallahi, quelle vie de ce bas monde est courte! Wallahi, qu'est-ce que cette vie est courte! Et qu'est-ce que cette vie est méprisable? Et qu'est-ce que ces biens éphémères sont peu chers? Wallahi, ayyuhal ikhwa, qu'est-ce que la foi al-iman est importante? Qu'est-ce que l'unicité al-tawhid est valeureuse? Qu'est-ce que sont honoreuses les obéissances à Allah, jalla wa ala? Combien l'être humain sera resté dans cette vie de ce bas monde ad-dunya? Combien l'être humain aura vécu dans ce bas monde? Et est-ce que quelqu'un y serait resté éternellement? Comme Allah, jalla wa ala, nous dit: wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Et nous n'avons accordé l'immortalité à nul autre avant toi. Si toi tu meurs, ya Muhammad, si toi tu meurs, ya Rasulallah, est-ce que eux ils seront éternels? Toute âme goûtera à la mort. Et nous vous éprouverons à titre d'épreuve par le mal et le bien. Et vers nous vous serez ramenés. Et qu'Allah fasse miséricorde à Abu al-Atahiyya, rahimahullah ta'ala, qu'il nous conta ces vers suivants, et il nous dit que c'est étonnant si les gens réfléchissaient. Lorsqu'ils seront jugés, certainement ils verraient. De cette vie à une autre, ils seraient passés, car cette vie n'aurait été qu'un passage. Il n'y a pas de vanité, sauf auprès des pieux. Demain, lorsqu'ils seront rassemblés, les gens sauront alors que la piété et l'obéissance étaient les meilleures choses à rassembler. Je suis étonné de voir l'homme se vanter, alors que demain il sera dans sa tombe enterré. Quel est le cas de celui qui fut en premier une goutte de sperme, et sa finalité un cadavre ensanglanté? Il ne put posséder aucun espoir, et ne s'écarter d'aucune futilité, et il tomba chez quelqu'un d'autre, et l'ordre et l'affaire tomba chez quelqu'un d'autre tout ce qu'il faisait, et tout ce qu'il pouvait effectuer. Le poète nous dit: أَيَعَجَبًا لِلنَّاسْ لَوْ فَكَّرُوا وَحَاسَبُوا أَنفُسَهُمْ أَبْصَرُوا وَعَبَرُوا الدُّنْيَا إِلَى غَيْرِهَا فَإِنَّمَا الدُّنْيَا لَهُمْ مَعْبَرُوا لَا فَخْرَ إِلَّا فَخْرُ أَهْلِ التُّقَى غَدًا إِذَا ضَمَّهُ الْمَحْشَرُ لَيَعْلَمَنَّ النَّاسُ أَنَّ التُّقَى وَالْبَرَّ كَانَ خَيْرٌ مَا يُدَّبَّرُ مَا يُدَّخَلُ عَجِبْتُ لِلْإِنسَانِ مِنْ فَخْرِهِ وَهُوَ غَدًا فِي قَبْرِهِ يُقْبَرُ ما بال من أوله نطفة وآخره جيفة يفجر أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضي وما يقدر. C'est ainsi, أيها الإخوة الكرام, c'est ainsi que se termine مراحل الدار الآخرة, c'est ainsi que se termine cette série, أيها الإخوة, cette série noble et bénie des étapes vers la demeure dernière. Cette série noble et bénie se termine avec laquelle nous avons vécu 48 rencontres et 48 discours. Et nous désirons et nous souhaitons rappeler, ayol ikhwatul kiram, que Cheikhouna Hafidah Allah a commencé cette série le 8e jour du mois de Shawwal de l'année 1423 de l'Hijra. Il l'a terminé, bihamdillahi azza wa jal, le 19e jour du mois de Safar de l'année 1425 de l'Hijra. Ainsi, notre Cheikh a mis environ un an pour effectuer cette série. جعل هذه السلسلة في ميزان حسناته. Et nous désirons également vous rappeler بحمد الله عز وجل, et cela rentre dans la porte de rappeler les bienfaits d'Allah عز وجل qu'il nous a accordé, qu'Allah جل وعلا nous a accordé ce bienfait de pouvoir traduire cette série, et que cette traduction nous a mis, et nous avons mis pour traduire cette traduction environ 5 années. بحمد الله عز وجل. Et nous la terminons ce jour-là, أيها الإخوة الكرام, le deuxième jour du mois de Dhil Qa'dah de cette année, أيها الإخوة الكرام, de l'année 1429 de l'Hijra. C'est ainsi, أيها الإخوة الكرام, que se termine cette série مراحل الدال الآخرة. Mais il est bon à cet instant de nous juger. Il est bon à cet instant, أيها الإخوة الكرام, de juger nos âmes. Comment devons-nous sortir après avoir écouté ces discours? Comment devons-nous sortir après avoir écouté toutes ces conférences et toutes ces exhortations? Quels sont les profits, quelles sont les leçons, quelles sont les morales à tirer de ces discours? Car certes, les discours sont nombreux, certes, les conférences sont nombreuses, certes, les exhortations sont multiples, mais où est l'action al-amal? Où sont les œuvres? Quand est-ce que les gens réagiront? Quand est-ce que les gens se mettront à appliquer les ordres d'Allah et Azza wa Jal? Où est-ce la marque de cela dans les cœurs al-quloub? Cette série qui aura rassemblé la base de la science al-fiqh, et également l'exhortation al-wa'd, ses premiers discours relatés sur les règles de l'enterrement ahkam al-janaïs. Et wallah, nous n'avons pas choisi ce type de série scientifique dans le but d'acquérir de la culture, cette culture froide, et wallah. Non, pas du tout, ayyuhal ikhwatul kiram, mais parce que les gens ont extrêmement besoin de ces cours, afin qu'ils sachent ce qu'Allah jalla wa ala leur a préparé après leur mort al-maut, et le besoin énorme des gens également d'adoucir leur cœur al-quloub, et de réveiller leurs âmes en nufus, et de les rendre aux connaisseurs de l'invisible, Allam al-Ghuyub, Tabaraka wa Ta'ala. Car nous vivons une époque, ayyuhal ikhwa, où ont pris une grande place les plaisirs et les passions, al-shahawat ou al-nazawat, et où les fantaisies et les violences ont augmenté. Une époque où beaucoup de gens se sont détournés de l'obéissance du Seigneur des cieux et de la terre, ardu wa samawat. Ainsi, celui qui ne tire pas de leçons avec la mort al-maut, celui qui n'aura pas été touché par le discours de la mort et de ce qui se passe après la mort al-maut, en entendant tout cela, et wallahi, son corps, son cœur al-qalb est certes mort, avant que n'arrive sa mort lui-même. Celui qui n'aura pas été touché avec tout ce qu'il aura entendu, et wallahi, qu'il prie sur lui-même salat al-janaza, qu'il prie sur lui-même la prière sur le mort, et qu'il aille chercher un cœur, car son cœur est désormais mort. Wal-iyadu billahi, wallah, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. La mort et le maut nous suffit ainsi d'exhortation. La mort et le maut nous suffit ainsi de discours exhortants et éloquents. Tout ce que nous avons entendu, ayyuhal ikhwa, suffit d'exhortation. Alors, ayyuhal ikhwatul kiram, wa ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, faites tout en œuvre, ayyuhal ikhwa, afin d'appliquer ce que vous avez entendu. Et afin de réécouter ce que vous avez entendu par le biais des CD ou bien des cassettes religieuses, ces cassettes et ces CD qui auront conservé cette science, et qui auront énormément touché la communauté Al-Umma. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala que ces CD et ces cassettes soient la cause du profit d'autrui, et qu'ils soient sincères, khalisatan li wajhik al-karim. Innahu ala kulli shay'in qadir. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et maintenant, ayyuha al-ikhwa, nous désirons envoyer des messages oraux à tout le monde, bi'ibnillahi azza wa jal, à la fin de cette série, afin de marquer la touche finale de cette série, étape vers la demeure dernière. Parmi leurs différentes nationalités, et leurs différentes origines, et leurs différentes catégories sociales, et leurs différents âges, et leurs différentes religions, peut-être qu'Allah Jalla wa Ala fera en sorte que ces paroles soient parvenues à chacun d'entre eux, et à chacun d'entre ces personnes, qu'Allah Jalla wa Ala fasse profiter autrui. Le premier message, ayyuhal ikhwatul kiram. Ar-risalatul ula, à tout responsable parmi les musulmans, al-muslimoun. À tous ceux qui auront reçu une responsabilité vis-à-vis de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'ils soient pères de famille, qu'ils soient imams de mosquée, qu'ils soient amir ou ministre ou président, qu'ils soient roi, quelle que soit sa place. Un message pour lui qu'il craigne Allah Jalla wa Ala. Qu'il craigne Allah Tabaraka wa Ta'ala dans cette responsabilité. Qu'il craigne son Seigneur Jalla wa Ala dans ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a confié de ses serviteurs. Et qu'il utilise et qu'il applique les règles d'Allah Jalla wa Ala sur lui-même et sur sa famille et sur ses gens. Qu'il se hâte ainsi de réparer les injustices commises entre les gens s'il veut être sauvé et préservé et protégé du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il se hâte également de réparer ainsi ses injustices avant que ne le vienne le jour. يَوْمُ لَا يَنْفَعُ الْمَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Avant que ne lui vienne un jour où ni argent ni enfants ne lui seront utiles, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Na'am. Ce jour-là, ayyuhal ikhwatul kiram, le jour de la résurrection, l'homme n'emportera avec lui que les bonnes et les mauvaises actions. Et ainsi, s'il aura commis des injustices sur les serviteurs, on prendra de ses bonnes actions. S'il en a, on prendra de ses bonnes actions. Et lorsqu'il n'en aura plus, et qu'il aura encore, et qu'il devra encore rembourser ce qu'il aura accompli et commis dans ce bas monde ad-dunya comme injustice, on lui prendra et on lui donnera, et on lui donnera des mauvaises actions des autres. Des mauvaises actions de ceux sur qui il aura commis ses injustices. Ceux qu'il aura trompés, ceux qu'il aura dupés, ceux qu'il aura violés, ceux qu'il aura volé leur argent, il prendra alors de leurs mauvaises actions. Il prendra alors de leurs péchés qu'il n'aura même pas commis lui-même dans ce bas monde ad-dunya. Mais car il aura commis des injustices sur les serviteurs d'Allah, et il ne se sera pas repenti à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ainsi nous leur rappelons du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un homme sans qu'Allah lui a donné une responsabilité de gouverner des gens, mourant le jour où il mourra, alors qu'il les aura trompés, sans qu'Allah jalla wa ala ne lui interdise le paradis al-jannah. Et le hadith est dans les deux recueils authentiques selon Maqil ibn Yasar radiallahu anhu. Alors faites donc attention à ne pas tromper ni votre peuple, et même si tu es père de famille, Abdallah, fais attention à ne pas tromper ta famille. Fais attention à ne pas duper ta famille, car tromper sa famille ou tromper son peuple, c'est le fait de ne pas l'éduquer selon les règles d'Allah Azza wa Jal, et de ne pas les guider selon les règles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car la responsabilité, al-amana, est énorme, wallah. Réussira celui qui aura rendu ce dépôt et cette responsabilité qu'Allah lui aura confiée intacte, et perdra celui qui l'aura trompé et dupé. Le deuxième message, ayyuhal ikhwa, ar-risalatu thaniya, aux pères bénis et aux nobles personnes âgées parmi les musulmans al-muslimoun, qu'ils réfléchissent à tout ce qu'ils ont entendu et qu'ils se préparent à la mort al-maut. Qu'il se prépare à ce qui se passera après cette mort al-maut. Car certes, la personne âgée et le vieil homme est plus proche de la mort que le jeune homme. Et la vieille est plus proche de la mort que la jeune fille. Car la vie de cette communauté est très courte, wallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'âge des gens de ma communauté est entre 60 et 70 ans, et peu sont ceux qui dépasseront cela. Et le hadith est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Et Allah n'excusera pas une personne ayant atteint 60 ans de son âge. Alors ô toi la noble personne âgée, ô toi le noble vieil homme, tu es plus proche de la mort que quelqu'un d'autre. Ainsi celui qui atteint un âge important, celui dont le dos se sera courbé, et dont les yeux auront été fatigués, et dont la force aura été diminuée, cela vaut mieux. Cela vaut vraiment mieux pour lui. Et wallah, qu'il multiplie les prosternations as-sujoud, qu'il multiplie les inclinaisons ar-ruku' lillah. Peut-être qu'il rencontrera Allah Jalla wa Ala en un état de prosternation. Ou peut-être qu'il le rencontrera en état d'inclinaison à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car certes, innamal a'malu bil khawatin. Certes, les actions ne valent que par la façon dont elles s'achèvent. Multiplie l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Multiplie l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Et certes, la meilleure des invocations, « La ilaha illallah », multiplie tes aumônes à sadaqat, car certes, les aumônes empêchent la mauvaise mort. Et l'aumône empêche la mauvaise mort et éteint la colère d'Allah, jalla wa ala, comme l'eau éteint le feu, an-nar. Et c'est certes, cette aumône est certes une ombre pour celui qui donnera cette aumône le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. فَنَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ أَنْ يُمِيتَنَا عَلَىٰ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ. Le troisième message, ayol ikhwa, الرِّسَالَةُ الثَّالِثَةُ, pour les jeunes al-shabab parmi les musulmans al-muslimoun, pour les jeunes de cette communauté, ayol al-shabab, ô vous les jeunes musulmans, ô ceux qui auront entendu ces prêches, ô ceux qui auront entendu ces discours en direct, ou par le biais de ces CD ou de ces cassettes, avez-vous tiré profit de ces discours? Avez-vous tiré des leçons et des morales de ces conférences et de ces discours? Avez-vous pris la résolution de tracer le bon chemin qui vous emmènera vers un paradis aussi large que les cieux et la terre? Innahu tariq Muhammad ibn Abdullah. Tel est le chemin et la voie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ô toi le jeune homme, ne dis pas je suis encore jeune. Ne dis pas je suis encore petit. Car Iwallah, la mort ne fait pas de différence. Ni entre le vieux et le jeune. Ni entre le noble et le modeste. Ni entre le riche et le pauvre. Ni entre le gouverneur et le gouverné. La mort ne fait pas de différence avec personne. Quelle que soit leur origine. Quel que soit leur âge. Quelle que soit leur couleur de peau. Quelle que soit leur religion. Quelle que soit leur place et leur âge dans cette vie ad-dunya. Ainsi tu te dois, ô toi le jeune, de te concentrer dans ton apprentissage du livre d'Allah, de te concentrer d'apprendre la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car Iwallah c'est la meilleure des voies, car Iwallah c'est la meilleure des guidées, comme nous le dit sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui prend un chemin afin d'apprendre une science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis al-jannah. Et le hadith est dans le recueil authentique de l'imam muslim, car la science religieuse, al-ilm al-shara'iyya al-ikhwatul kiram, est la plus noble des sciences. Et la plus importante des sciences auprès d'Allah Jalla wa Ala. Ainsi, il élèvera celui qui aura appris dans ce bas monde et dans l'au-delà, fi dunya wal akhirah, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre eux qui auront cru et ceux qui auront reçu la science et le savoir. Alors toi le jeune, ne te fais pas duper par ta jeunesse. Ne te fais pas tromper par ta force et ta puissance. Car ce cœur qui bat si vivement, bientôt s'arrêtera. Soit par une hémorragie, soit par un arrêt cardiaque. Cette force et cette jeunesse, qui est certes vive et animée, va bientôt s'éteindre et être détruite par le destructeur des plaisirs, hadimul ladhat, par le démonteur des groupes, mufarriqul jama'at. Elle va bientôt être cassée par cette mort el maut, soit par un accident de la route. Cette jeunesse peut être détruite par une maladie mortelle, afanallahu wa iyyakum. Ô toi le jeune, trace ainsi ton chemin dès maintenant et dès lors. Trace ce chemin qui sera, yuallahi, long devant toi. Trace ce chemin vers Allah et Azza wa Jal. Et fais que ton but soit le fait de rentrer et d'obtenir et de gagner le paradis al-jannah. Et d'être sauvé et protégé et préservé de l'enfer an-nar. Le quatrième message, ayol ikhwatul kiram. Al-risalatul rabi'a ila nisa'il muslimin. Aux femmes musulmanes. Et la nisa'il mu'minin, aux femmes croyantes, nous les appelons. Et nous leur disons, même si elles n'ont pas assisté à tous ces discours, peut-être que cette voix les atteindra. Et peut-être qu'elles profiteront de ces paroles. Et ainsi, nous leur disons cela de la part d'un cœur blessé, yuallah, pour cette communauté al-umma. Nous appelons les femmes musulmanes et nous leur disons, ya nisa'il mu'minin, lestunnaka ahadim minan nisa', vous n'êtes certes pas comparable à aucune autre femme. Car vous êtes certes les descendantes de Khadija, les descendantes de Safiya et de Aïcha. Vous êtes certes les filles de Zaynab et de Saouda et de Jouayriya. Vous n'êtes donc comparables à aucune autre femme. Vous êtes les descendantes des nobles femmes compagnons et des femmes des successeurs des compagnons. Suivez donc leur chemin et prenez comme guide leur vie et leur biographie. Et ne prêtez pas attention à ceux qui prétendent appeler à la fausse égalité et à la fausse liberté. Car tous ces appels, en fait, ont but d'emmener les femmes au fin fond de l'enfer, nar, au jahannam, wal'iyadu billah. Al-mar'atu saliha, la femme vertueuse, ayyuha al-ikhwa, est la femme qui meurt ayant son mari satisfait d'elle. Celle-ci rentrera au paradis al-jannah. Alors faites donc attention à vos prières, vous les femmes musulmanes. Et ne soyez pas distraites par les films et les séries télévisées, les musalsalats. Et obéissez à vos maris. Et apprenez votre religion. Et soyez des exhortatrices, et vertueuses, et bienfaitrices, et couvertes. Vous avez certes entendu dans certains discours que la plupart des gens du feu, la plupart des gens du feu, Ahlunnar, sont les femmes et les nisa. Comme nous le dit Khayrul Anbiya, le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des gens du feu, Ahlunnar, seront les femmes et les nisa. Et ceux qui habiteront le moins dans le paradis, Al-Jannah, seront les femmes et les nisa. Et Wallahi, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, un jour appela sa très chère fille Fatima, radiallahu anha wa ardaha. Et il lui dit, Ya Fatima, binta Muhammad. Ya Fatima, fille de Muhammad, sauve-toi du feu. Sauve-toi du feu, Annar. Ya Fatima, binta Muhammad, sauve-toi du feu, car je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. Car je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. Et le hadith est dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim. Qui est-elle? C'est la fille de qui? Et c'est la femme de qui? Inna Fatima, radiallahu anha, la maîtresse des femmes du paradis al-Jannah. Son père l'aura averti, sallallahu alayhi wa sallam. Son père l'aura averti. Son père l'aura prévenu d'être des femmes du feu, al-Nar. Mais bihamdillahi azza wa jal, cela ne sera pas son cas. Hachaha, radiallahu anha. Yanisa al-Muslimin. Yanisa al-Muslimin, vous les femmes musulmanes. Ne pensez pas qu'Al-Islam ne se concentre que sur des piliers. Allah Jalla wa Ala a certes rendu obligatoire des choses autres que les piliers de l'Islam. Et le plus grand ordre, et la plus grande obligation, et le plus grand ordre divin, et la plus grande obligation islamique aux femmes musulmanes après les piliers de l'Islam, est qu'elles portent le hijab al-shar'i. Est qu'elles s'habillent du voile musulman et du voile de l'Islam. Le fait de porter le voile religieux, ayo al-ikhwa, et écoutez bien ces paroles. Et écoutez bien cette phrase. Ya Nisa il Muslimin. Car certes, le voile de la femme musulmane sera pour elle un voile dans ce bas monde ad-dunya contre les vicieux regards al-andar et un voile pour elle dans l'au-delà al-akhirah contre le châtiment du feu an-nar. Le voile de la femme musulmane, ayo al-ikhwa, sera un voile pour elle dans ce bas monde ad-dunya contre les vicieux regards al-andar. Et un voile pour elle dans l'au-delà, al-akhirah, contre le châtiment du feu, an-nar. Alors celle qui aura enlevé son voile dans ce bas monde, ad-dunya, elle aura en réalité enlevé le voile se situant entre elle et l'enfer, an-nar, wal-iyadu billah. Et nous appelons également les femmes d'al-arab, les femmes arabes, al-arabiyat. Nous appelons les femmes des arabes, quel que soit leur pays d'origine, et nous leur disons que vous portiez le voile ou que vous ne le portiez pas. Allah Jalla wa Ala vous a certes remplacé, et Allah. Voici l'américaine qui porte le voile. Voici l'européenne qui rentre dans l'islam et qui porte le voile. Voici la française qui porte le voile. Voici l'allemande qui porte le voile. Voici la femme occidentale qu'Allah Jalla wa Ala aura choisie parmi un grand nombre afin qu'elle rentre dans l'islam et qu'elle accepte l'islam comme religion et Allah comme créateur. Et Mohammed alayhi salatu wassalam comme prophète et comme messager, que vous portiez le voile ou que vous ne le portiez pas, Allah vous a remplacé. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Comme Allah nous dit, et si vous vous détournez, Allah vous remplacera par un autre peuple autre que vous, et ils ne seront point comme vous. Toute femme arabe qui aura enlevé le voile dans la plupart des cas, sauf celles qui auront été obligées et contraintes, dans la plupart des cas, Allah l'aura remplacée par une autre femme. Par une femme occidentale musulmane qui se sera convertie à l'islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Car certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal est le plus pieux. Est le plus pieux et celui qui craint le plus Allah Azza wa Jal. Ainsi, l'islam, ayo al-ikhwa, est un message pour l'univers. Pas seulement pour les Arabes. Et Anissa, alors vous les femmes musulmanes, faites attention aux prêcheurs de l'enfer. Faites attention aux imams du feu an-nar. Et écoutez al-ulama, écoutez les savants véridiques, ainsi que les prêcheurs sincères à Allah et Azza wa Jal, et Wallah, vous remporterez tous un paradis al-Jannah, arduha ka'ardi al-sama'i wal-ard, un paradis dont la largesse sera comme les cieux et la terre, et vous serez tous sauvés et épargnés d'un feu an-nar, narun hamiya. Le cinquième message, al-risalatul khamisa, au nom musulman, à tout celui qui ne croira pas et qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, à tous ceux qui ont associé une autre divinité avec Allah Jalla wa Ala, à tous ceux qui auront défié leur Créateur et leur Seigneur Jalla wa Ala, par n'importe quel type de mécréance al-kufr, par n'importe quel type d'association al-shirk. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala bimennihi wa karamih qu'il fasse passer et qu'il fasse traduire et transmettre ce message à toutes les nations. Et nous les appelons ainsi, ces non-musulmans, et nous leur disons, Ya Ghayra Muslim, ô toi le non-musulman, ne te fais pas tromper par ta situation. L'avancée technologique dans laquelle vous vous trouvez et dans laquelle vous vivez a certes une durée de vie, et elle s'arrêtera certes à un certain moment, et ce ne sera pas éternel comme Allah Jalla wa Ala nous dit. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, mata'un qalil. Que ne t'abuse point à la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer et quel détestable lit. Alors je te convie à retourner à ta nature originelle et à ta nature droite. Car wallahi, la vie est éphémère. Et wallahi, la mort et le maut t'attend au tournant. Lis le Coran. Lis le livre d'Allah Azza wa Jal. Nous t'exhortons, ô toi qui ne crois pas en Allah et Azza wa Jal. Nous t'appelons, ô toi qui mécrois en Allah Jalla wa Ala. Ô toi qui auras associé Allah et Azza wa Jal. De te repentir à Allah Jalla wa Ala de cette mécréance dans laquelle tu te trouves, de cet entêtement et de ce reniement et de cette contestation dans laquelle tu vis nuit et jour. Car cela ne t'amènera dans ta vie que le malheur dans cette vie, dans l'au-delà, fi dunya wal akhirah. Que tu le crois ou non, cela vaut mieux pour toi que tu te convertisses à Allah Jalla wa Ala. Et écoute ce que nous dit Allah Jalla wa Ala. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum ar-rasul bil haqq min rabbikum. Qad ja'akum ar-rasul bil haqq min rabbikum fa'aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Ya ahla al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. إنما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله جل وعلا نودي اوف لي جان. Le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi donc. Cela vous sera meilleur pour vous. Et si vous ne croyez pas, certes à Allah appartient tous les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre. Et Allah est omniscient et sage. Ô vous les gens du livre, n'exagérez point dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Certes, Al-Messih, Jésus, fils de Maryam, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il aura envoyée à Maryam et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc à Allah et à ses messagers. Et ne dites point trois, c'est-à-dire n'exprimez point la Trinité. Et ne dites point trois, cessez et arrêtez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'une divinité unique. Et il est trop glorieux pour s'attribuer un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Jamais Al-Masih se trouve indigne. Jamais Al-Masih ne refusera de se rabaisser. Al-Masih, jamais il ne se retrouvera indigne d'être un serviteur d'Allah. Ni les anges rapprochés et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil. Allah les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres, Allah leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera de surcroît en sa grâce. Et quant à ceux qui se seront enorgueillis et enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux et ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Ainsi lisez le livre d'Allah et Azza wa Jal. Lisez le Coran, ô vous les non-musulmans. Car wallahi quel miskin, wallahi quel pauvre celui qui ne lit pas le Coran. Wallahi quel pauvre et quel pauvre et quel pauvre celui qui ne lit pas le livre d'Allah et Azza wa Jal. Et celui qui ne saisit pas et qui ne comprend pas le livre d'Allah, Allah nous dit, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم إنهم لن يضروا الله شيئا إنما يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يا محمد, n'ait aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Et Allah nous dit également, إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Que ceux qui n'ont pas cru, ceux qui auront acheté la croyance contre la mécréance, ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, un châtiment douloureux. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons est à leur avantage. Ne comptent pas et ne croient pas que ce délai que nous leur accordons dans cette vie est à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et leur désobéissance, et pour eux un châtiment avilissant. Et Allah nous dit également, وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Qu'aurait-il à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, et dépenser dans l'obéissance ce qu'Allah leur a attribué, et Allah est d'eux omniscient et parfaitement connaisseur. Qu'aurais-tu à te rapprocher, ya insan? Qu'aurais-tu à te rapprocher, ô toi l'être humain, si tu croyais en ton Seigneur Jalla wa Ala? Qu'aurais-tu à te reprocher si tu retournais à ta nature originelle par laquelle Allah Jalla wa Ala t'a créé? Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. La tabdila li khalqillah. Pas de changement à la créature d'Allah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Telle est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Toute personne naît originellement croyante en Allah Azza wa Jal. Toute personne, lorsqu'elle naît, elle naît croyante en son Seigneur et à son Créateur Tabaraka wa Ta'ala, mais ce sont ses parents qui le rendent adorateur du feu Al-Majous, ou bien juif, ou bien chrétien. Alors demande-toi, ô toi qui ne crois pas en Allah, ô toi qui associes en Allah Al-Wahid Al-Ahad, pose-toi cette question, d'où tu es venu? D'où es-tu venu? Et où te diriges-tu? Et quelle est ta destination? Et qu'y a-t-il après cette vie? Et est-ce que la mort est la fin du chemin? Car certes après la mort, ayyuhal akh, car certes après la mort, ya Abdallah, il y aura certes le paradis et l'enfer, al-jannatu wan-nar. Tu n'as pas été créé pour rien du tout. Tu n'as pas été créé pour rien du tout et en vain. Et la nature ne t'a pas créé. Car ya Allah, cela n'est qu'un mensonge et une fausseté et une calomnie. Car la nature elle-même a été créée. Et elle ne peut donc, de surcroît, elle ne peut pas pouvoir créer autre chose. Et écoute ce qu'Allah Jalla wa Ala te dit, car certes c'est Allah Jalla wa Ala qui t'a créé. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et l'a formé harmonieusement, puis on a fait les deux éléments de couple, mâle et femelle? Celui-là, c'est-à-dire Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Et Allah nous dit également, car Allah ne nous a pas créés sans but, ne nous a pas créés pour le plaisir, ou pour la jouissance, ou pour le divertissement, ou pour le jeu. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avions créés sans but, ou que vous ne seriez point ramenés vers nous? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Que soit exalté et élevé Allah, le vrai souverain. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Ainsi tu auras vécu 60 années ou plus dans ta mécréance al-kufr et dans ton association al-shirk, et après cela, tu resteras indéfiniment et éternellement dans le feu de l'enfer nar ou jahannam. Ainsi tu te reposes aujourd'hui avec les plaisirs et les jouissances al-nazawat wa shahawat, et les joies et les divertissements. Mais après la mort, que se passera-t-il, ya Abdallah? Ce sera l'enfer, wal'iyadu billah, wa bi'sa al-mihad. Et quelle mauvaise destination, et quel mauvais lit, et quel mauvais voyage, et quelle mauvaise résidence et séjour, éternellement et à tout jamais. Abadan abidin, et tu n'en sortiras jamais. Ceci n'est donc pas la plus grande perte, Et, pas la, et ceci n'est donc pas la plus grande catastrophe. Ceci, wallahi wa l'ikhwa, est ainsi la plus grande catastrophe de demeurer et de résider dans le feu de l'enfer éternellement et de n'en sortir jamais. Quelle mauvaise finalité! Que te reproches-tu donc si tu croyais en ton Seigneur? Que te reprocherais-tu si tu rentrais dans l'islam? Que te reprocherais-tu si tu unifiais Allah et Azza wa Jal? Et si tu suivais le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, tu vivras, ya Abdullah. Mais que ta vie soit longue ou courte, tu auras après cela soit un paradis large comme les cieux et la terre, soit un enfer. Alors certes, si tu te convertissais, et si tu rentrais dans l'islam, et si tu suivais ce prophète, que ta vie soit longue ou courte, tu auras le paradis aussi large que les cieux et la terre. Allah Jalla wa Ala nous dit, « Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha ka ardi s-samai wal ard, u'iddat liman, u'iddat lil-lazina amanu billahi wa rasulih. » Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que les ciels et la terre. Préparé pour qui? Préparé pour ceux qui auront cru en Allah et à ses messagers. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Et Allah nous dit également, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment? مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Si vous avez été reconnaissant et croyant, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Et Allah est reconnaissant et omniscient. أيها الإنسان. Alors toi l'homme, sors de ton cocon de la mécréance, al-kufr, qui s'est refermé sur toi. Sors de l'adoration des serviteurs, al-ibad, vers l'adoration d'Allah, Rabbul Ibad. Sors du resserrement et de l'étroitesse de cette vie de ce bas-monde ad-dunya, à la largesse de cette vie de ce bas-monde et de l'au-delà al-akhira, et de l'injustice des religions al-adhyan, vers la justice de l'islam. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Je demande à Allah تبارك وتعالى par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous fasse mourir en yumitana ala at-tawhid wal iman, et qu'il nous fasse mourir dans le sentier du Seigneur des serviteurs. إنه على كل شيء قدير إنه ولي ذلك والقادر عليه. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. C'est ainsi, أيها الإخوة, après tous ces messages envoyés, que nous demandons à Allah Jalla wa Ala que le maximum de personnes en profitent. Cette série bénie, ayo l'ikhwa, aura certes duré un an, et sa traduction aura duré 5 années. Et ainsi cette série, qui aura usé de beaucoup de preuves tirées du Coran et de la Sunnah, quant au nombre de ces versets, il est trop difficile de les compter. Quant au nombre de hadiths, ayo l'ikhwa, cette série aura certes rassemblé près de 832 hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons cela dans le but de donner la preuve aux musulmans et aux muslimounes, afin qu'ils appellent et qu'ils prêchent vers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, afin qu'ils transmettent la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, en appliquant la parole d'Al Habib sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous dit Balighu anni walaw ayah, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'un seul verset, ne serait-ce qu'une seule parole. Transmettez ainsi ces hadiths, ayyuha al-ikhwa, à vos proches et à vos éloignés, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien et qui ordonne au convenable et qui interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et Allah nous dit également, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens, que l'on a fait surgir pour les hommes. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Et Allah nous dit également, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare à son sentier, et c'est lui qui connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Sois donc assidu, ya Abdallah, Sois donc assidu, ya akhil kerim, à transmettre ce bien. Et fais une invocation en faveur de cette voie et de ce chemin, par l'acceptation et la sincérité, la miséricorde et le pardon. Et prépare-toi avec moi, ya Abdallah. Prépare-toi avec moi, ya akhil kerim, wa ya ukhtil kerima, à la rencontre d'Allah, ya azza wa jal. À la rencontre d'Allah, jalla wa ala, et adresse-toi à toi-même, et adresse-toi aux gens en leur disant, ya abdoun, kam yarak Allahu asiya, harisun an ad-dunya wa lil-maut nasiya, anasita liqa' Allah, wal-lahd wal-thara, wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya, wa law anna al-mar'a lam yalbath thiyaban min at-tuqa, tajarrada 'uryanan wa law kana kasiya, wa law anna ad-dunya tadumu li ahliha, lakana rasulullah hayyan wa baqiya, walakinnaha tafna. Où sont vos pères? Où sont vos enfants? Où sont vos frères? Où sont vos mères? Où sont vos grands-parents? Ils ont certes voyagé vers Allah et Azza wa Jal. Et certes, vous les rejoindrez et nous les rejoindrons tous, si wallah. Vous avez pleuré sur eux, mais on pleurera sur vous. Vous avez annoncé la mort de quelqu'un, mais on annoncera votre mort. Vous avez anéanti, mais vous serez anéanti. Vous avez oublié, mais on vous oubliera. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram. كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور فسينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. Rappelle-toi, ya Abdallah, le jour où on aura oublié ton nom, le jour où on aura oublié ton nom, le jour où on ne parlera plus de toi, le jour où ta tombe disparaîtra, car ne partira dans ta tombe avec toi que tes actions. Seules tes actions t'accompagneront. Seules tes actions te seront profitables. Car trois choses suivent le mort, ayyuha al-ikhwa. Trois choses lui suivent. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sa famille, ses biens et ses actions. Mais deux choses reviennent et ne restent pas avec le mort. Sa famille et ses biens et ses richesses reviennent et ne restent que ses actions avec le mort. Al-amal, ses actions que tu auras commis et accomplies et effectuées dans ce monde ad-dunya. Et à ce moment, tu appelleras alors, c'est lui qui t'enterre et c'est lui qui te place dans le fossé de la tombe. Tu l'appelleras alors et tu exprimeras tes remords et tes regrets quant à ce que tu auras négligé dans ce monde ad-dunya. Alors nous te rappelons, ya Abdallah, nous te rappelons du rassemblement al-hajj et de la sortie de la tombe khuruj min qabrik et de la balance al-mizan et du jour de la résurrection yaoum al-qiyama et del hisab, le jugement, et du pont as-sirat. Comme nous le dit le poète, mon âme n'a pas voulu se repentir. Quelle solution dois-je adopter lorsque les serviteurs seront devant le parfait? Alors que de leur tombe ivre, ils seront ressuscités avec des montagnes de péchés. Alors que le pont As-Sirat aura été placé, il y en a qui tomberont ayant glissé, et d'autres devant la demeure de Adn, du paradis, ayant avancé. Les mariés les rencontreront enchantés, et le Dieu l'appelant m'ont rapproché. Ne te soucie plus de tes péchés, je t'ai pardonné. Nous vous rappelons de toutes ces étapes, ayol ikhwa, de la demeure dernière, marahilu dalil akhira, en raccourcissant certes beaucoup, et qu'Allah fasse miséricorde à tous les savants, et à tous ceux qui auront appelé à cette voie et à ce chemin. Et notre dernière parole, ayyuha al-ikhwa, est certes la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est certes digne d'être citée à la fin, et certes digne d'être évoquée à la fin de cette série. Innahu qawlullahi jalla wa ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kullu nafsin da'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, faman zuhsiha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Alors quiconque est écarté et préservé du feu an-nar et introduit et obtenu le paradis al-jannah aura certes réussi. Et certes, la vie de ce bas monde n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah jalla wa ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes. Innahu ala kulli shay'in qadir. Innahu mujibu ad-da'awat. Innahu yasma'u ad-du'a. C'est lui qui répond aux invocations. C'est lui qui exauce les appels de ses serviteurs. Nous demandons à Allah jalla wa ala. C'est lui qui est capable de toutes choses. Et c'est lui qui fait transmettre les paroles de ses serviteurs sincères. Qu'il accepte nos œuvres. Qu'il accepte nos œuvres de notre part. Et qu'il accepte cette série noble et bénie, et la traduction de cette série Silsilatu Marahil Dar al-Akhira, et qu'il la fasse transmettre dans toute la terre et dans tout l'univers. Innahu ala kulli shay'in qadir. Et qu'il la fasse an yaj'alaha khalisatan liwajhi al-karim. Qu'il la fasse et qu'il la rende sincère pour sa face et sa satisfaction. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa an yaj'alaha sabab lil-hidayah. Et qu'il la fasse et qu'il la rende comme une cause afin qu'elle guide les gens et qu'elle guide les gens qui sont éloignés de leur chemin et de leur religion. Innahu ala kulli shay'in qadir. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. As'alullah jalla wa ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhira, et qu'il accorde sa bénédiction à notre prophète, al-Rasul al-Mujtaba, wal-Nabi al-Muntaqa, wal-Habib al-Mustafa, qu'il accorde sa bénédiction à son autre prophète, Habib al-Qulubina, wa qurrata a'yunina, Sayyidana wa qaidana Rasulullah, Muhammad ibn Abdillah, العربي الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالله لبكم بيان près de lui dans les grandes assemblées et qu'il accorde sa noble bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille أهله et ainsi qu'à ses compagnons جميع أصحابه إنه على كل شيء قدير et qu'il accorde également sa bénédiction à tous ceux qui suivent son chemin avec bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Et notre dernière invocation, أيها الإخوة الكرام وأيها الأحباب, est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. والحمد لله رب العالمين.